niko nalamukia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunapikia tena Mungu asante kutukaburia siku ya leo. Nous remercions notre Dieu comme il nous a donné la journée d'aujourd'hui. Juu tupate kupatikana pa hii fuashi. Pour que nous puissions nous retrouver ici. Juu ya kushikia neno ya Mungu. Et cela c'est pour écouter la parole de Dieu. Ni bahati munene sana kwetu. C'est une grande chance pour nous. Kupata konema mumashiku yetu hapa dunia. D'avoir la grâce sur la terre. Ya kushikia neno ya Mungu ya kweli. D'écouter la véritable parole de Dieu. Ni bahati. C'est une grande chance. Juu bantu bote pa hii dunia. Parce que tout le monde sur la terre. Aina bote baripata ile neema. Cela n'est pas donné à tout le monde. Shetu kubaheri. Nous sommes très heureux. Mungu alichikia tuyue mapenzi yake mumashiku yetu. Parce que Dieu a permis que nous puissions connaître sa volonté dans notre jour. Na aina kwa bule. Et ce n'est pas pour rien. Juu ya kuheshimia sauti ya Mungu tutashiba mashibote. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout tous. Tuko na beba njiko yetu ile tulianza tangia mardi. Nous allons prendre notre écriture que nous avons commencé depuis le mardi. Ni miandiko mbili tuko nasoma mu 1 Pierre chapitre yake 1 verset 17. Ce sont des écritures que nous lisons mu Petro wa kwanza sura ya kwanza 17. Na tuko na beba tena Hebreu chapitre 13 verset 14. Prenons également Hebreu 13:14. 1 Pierre 1 17. Petro wa kwanza sura ya kwanza 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun. Na kama mukiita sawa baba ule kunaamua matendo ya kila mmoja kufuatana na kazi yake. Sans exception de personne. Bila kufanya ubaguzi ya mtu hata mmoja. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Mujongoze basi na boka mwakati ya safari yenu. Hébreux chapitre 13. Wa Ebrania sura 13. Verset 14. Musari ya 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Kwani hapa pa dunia hatuna na mji ya kukawia. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Alakini tuko natafuta mji ile itakuja. Niko naomba Mungu. Je vais prier Dieu. Tuko tunakupikia tena asante mfalme na Mungu wa mbinguni. Nous te remercions notre roi et le Dieu du ciel. Juni wewe ulichikia hii mkusanyiko ipate kuyako. Parce que c'est toi qui as permis que cette réunion puisse avoir lieu. Ni wewe ulichikia Seigneur Jésus Christ mu mashiku yetu ya kupita pa dunia. C'est toi qui as accepté que dans notre séjour sur la terre. Tupate konema ya kushikia maneno yako. Que nous puissions avoir la chance d'écouter ta parole. Mui dunia muko bantu mingi. Dans ce monde il y a beaucoup de gens. Mais aina bote baripata hii neema. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu cette grâce. Juu ya ile Seigneur tuko benye kukushukuru. Pour cela, Bwana, nous te remercions. Tuko na kualika Seigneur mwakati ya mangaribi. Nous t'invitons ce soir, Bwana. Shuka juu ya kuweza kutusaidia. Descends pour nous aider. Tuko na penda tupate kuvumbula mumashiku yetu. Nous voulons qu'on puisse découvrir dans notre jour. Sababu yenyewe Mungu litutumia pa hii dunia. La raison pour laquelle tu nous as envoyé sur la terre. Parce que kama tunashindwa kuvumbula Seigneur. Si nous manquons de le découvrir. Majiku yote tutapita pa hii dunia itakuwa na maana. Tout notre séjour que nous passerons sur la terre n'aura pas de sens. Kumbe sa vile we Mungu litupendaka zamani. Comme toi Dieu tu nous as aimé dès le début. Utusaidie mushiku ya leo Seigneur. Aide-nous au jour d'aujourd'hui. Kila ndugu na kila dada apate kuyua. Que chaque frère et chaque sœur puisse connaître. Juu ya nini ulimutumaka pa hii dunia. Pourquoi tu l'as envoyé sur la terre? Ndio kwa maana tunasoma neno yako. C'est pourquoi nous venons de lire ta parole. Ni wewe Mungu uliandikisha hii neno kupitia roho yako. C'est toi Dieu qui a fait consigner cette parole par ton esprit. Utusaidie Seigneur. Aide-nous, Bwana. Ujifunue kwetu. Révèle-toi à nous. Na wewe Mungu uvume katikati yetu. Et que tu sois loué au milieu de nous. Kumwanzo na kumwisho Seigneur. Du début jusqu'à la fin. Jina yako ipate kusifiwa. Que ton nom soit loué. Yote njua kavumu ya jina yako. Tout ceci pour la gloire de ton nom. Mungine Yesu Kristo na kulomba hivi. Au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amina. Tuko naendelea tena. Nous continuons encore. Tuko nasemea juu ya mashiku yetu pa idunia. Nous parlons sur le sujet intitulé Notre jour sur la terre. Nous n'avons point ici bas de cité permanente. Hapa pa dunia hatuna hapo na muji ya kukawia ya milele. Wakati roho ilianza kuandikisha hii Biblia, lorsque l'esprit faisait consigner cette Bible, Mungu ashandikake kintu tu juu ya kuandika. Dieu ne peut pas écrire pour le plaisir d'écrire. Mukila kile kiliandikwa, dans tout ce qui a été écrit, puko paka quelque chose ile Mungu alipenda tupate kufundia. Il y a toujours quelque chose sur laquelle on peut tirer la leçon. Wakati Mungu anatuambia kusema pa hii dunia haina fuashi ashikuikala lote. Lorsque Dieu nous dit que sur cette terre ce n'est pas notre cité permanente. Shebote saba toto ya Mungu. Nous tous comme enfants de Dieu. Tuko naletea hii neno sheria. Nous donnons raison à cette parole. Parce que ni neno ya Mungu ya kweli. Parce que c'est la véritable parole de Dieu. Bile biko natufikia pa hii dunia biko natuprouver hakika kusema hii neno ni ya kweli. Ce qui nous arrive sur la terre ça nous prouve que cette parole si est certaine. Wakati mimi nilikuwa nakumbuka pale ningali mtoto. Je me souviens lorsque j'étais en compétition. Mina funda première primaire. J'ai étudié la première année primaire. Wakati ingine mama yangu alikuwa ananibamba kumkono. Des fois la maman me tenait par la main. Ananipeleka quelque part. Il m'accompagnait fasi fulani. Tulikuwa nasumuria naye tunacheka. On causait avec elle un sourire. Ilikuwa bien. C'était très bien. Niko nakomea. Je grandissais. Mais kuna fika wakati ingine. Il est arrivé à un certain moment. Muntu le miripendaka. La personne que j'ai aimé. Anakufa. Elle était décédée. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Nilikuwa na baba yangu. J'avais mon père. Kipande kya mingi ba frères ba mingi na badada ba mingi. Beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Bale barisha ukomee. Qui ont déjà pris de l'âge. Leko naleta sheria ku hii neno. Il donne raison à cette parole. Parce que tavumbula kusema. Vous allez découvrir. Mufi yako. Dans ta vie. Kuko bantu benyo ripendaka sana. Il y a des gens que tu as aimé tellement. Absence yabo ilianza kufanya mubaya sana. Leur absence ça te fait du mal. Mais ça vile ni biumbe vya wakati. Comme ce sont des créatures temporaires. Hakuna kile unaweza kufanya kama mashiku yabo yanashimama. Il n'y a rien que tu peux faire si leur. C'est pourquoi Mungu mara tukankamisha. C'est pourquoi Dieu ne. Kila ndugu na kila dada apate kuyua kusema. Chaque frère, chaque sœur. Mui dunia. Dans ce monde. Hatuna abo balote. Nous ne sommes pas sur la terre ici éternellement. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. Na kila ndugu na kila dada. Et chaque frère et chaque sœur. Mumashiku ya yeye kupitisha pa dunia. Dans ce temps de son. Il faut Mungu amumbingwa amfunulie. Il faut que le Dieu du ciel te révèle. Amoneshe juu ya nini alimtuma yeye pa dunia. Il te montre pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. Na juu ya nini mumashiku yako yote ya pa dunia kufika paka na leo. Pourquoi pendant ton séjour sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Kuko bantu bale beko nakufa wewe kuna baona. Il y a des gens qui meurent pendant que toi tu vois. Bengine beko nakufa bakubwa kwako. Les autres meurent tout en étant âgés de plus que toi. Bengine beko nakufa baloko kwako. Les autres ce sont des moins âgés qui meurent. Na bale beko nakufa avant wewe. Et ceux qui meurent avant toi. Aina kusema wewe unabapita kutakatifu. Ce n'est pas que tu les dépasses en sainteté. Hapana. Non. Au kusema ulibapita kufunda masomo. Tu les dépasses en études. Au wewe uko na akili sana kubapita. Toi tu es plus intelligent de plus. Hapana. Non. Na unapasha kujiuliza na kusema. Tu dois te poser la question. Pourquoi bantu beko nakufuaka mimi ni kupaka na bakia. Pourquoi il y en a qui meurent que moi je. Je nini Mungu alichikia mimi nifike na leo pa hii dunia. Pourquoi Dieu a accepté que je sois. Parce que bantu ba mingi. Plus que beaucoup de gens. Aba yuake pourquoi yako pa dunia. Ils ne savent pas pourquoi sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir les gens vivre. Mukubeba hivi Mungu akona bakaburia. Apprenez cette vie que Dieu les raconte. Mukuitumikisha ovyo ovyo. Il utilise vainement. Mungu abate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Paye peke. Soi-même. Anapasha kujiuliza. Tu as nini mimi kwako? Pourquoi moi j'existe encore? Kuko bengine ulifunda nabo masomo. Il y a des gens avec qui tu as étudié. Bari kufa ulibaona. Ils sont déjà morts. Ni bantu paka sana weye. Ce sont des humains comme toi. Ile mambo ilibafikia weye kukupata. Kuko paka sababu ile Mungu anakuachia pa dunia. Il y a une raison pour laquelle Dieu te laisse vivant sur la terre. Mungu asikuache tu bule parce que Dieu ne te laisse pas pour rien. Ushima kwa kila ndugu na kwa kila dada. La vie de tout homme. Ni paka Mungu njoo yuko na bujere. Dieu seul qui gère sa vie. C'est que Mungu wa mumbingu. Le Dieu du ciel. Kama kuna katala taka kama unalukula wewe ushitoke. Si le refuse même si tu tombes. Una voyage wewe ushitoke. Tu voyages que tu ne. Una lala kushingisha unalamuka wewe ushitoke. Tu te réveilles que tu n'es pas. Kuko paka sababu. Il y a toujours une raison. Na kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Mashiku yake ya kupitisha pa dunia. Pendant son séjour. Anapasha mbele kushimama. D'abord ça. Na kujipozea ma question. Tu as nini na leo nikingari mujimu. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui je suis encore vivant. Mungu abate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Na wakati unajipozea ma question. Lorsque tu te poses toute cette question là. Unapasha kujiuliza sasa. Tu dois te demander. Kama bujima bwabu unashimama. Si ta vie s'arrête. Juka hata kama unapenda au unakatala. Vouloir ou pas. Bon, pas qu'à vous d'achimama. Certainement, ta vie s'arrêtera un jour. Mon papa te gumbarich. Que Dieu vous bénisse. Mambo, il a kujuliza vile utakufuaka. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de te poser la question. Ah, mambo munene. Ce qui est très important. Ni kujuliza kisha mikufwa. C'est de savoir, après ma mort. Nitapitishia milele yangu. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Njo mambo munene, frère. Voilà ce qui est très essentiel. Njo mambo munene, dada. Ce qui est important, ma soeur. Na njore, sababu yenye Mungu alituandikia hii andiko. C'est ça la raison pour laquelle Dieu nous a dit. Niju tuanze kuikala na kujiuliza. Pour qu'on s'assoie avec qu'on médite. Tuko nafanya nini pa dunia? Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Najua nini Mungu akina natuacha na bushima. Pourquoi Dieu nous laisse encore vivre? Na kama mashiku yangu inashimama. Et si mes jours s'arrêtent. Mina kufa sa fulani. Et que je mourrai. Parce que njo vile utakufuata. Parce que c'est de la même manière. Tena kule mimi taenda. Kule mimi tapitishia milele. Je vais passer mon éternité. Ni wapi? Ça sera où? Njo kile kila nduku na kila dada. C'est ce que chaque frère. Hata kama unakula abukari unajiba. Si tu manges, tu te rassasies. Mais hapana kusabuaka kile kitu. Il faut pas oublier cette chose. Parce que mwi dunia hii. Parce que dans ce monde ici. Atuna abo bakukawia hapa. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Mu dunia humu ni fosha ma rotation. Dans ce monde c'est un endroit de rotation. Kulikuwa wakati bazazi yetu njo balikuwa ba jeune. Il y avait le temps nos parents étaient jeunes. Che tulikuwa tungali batoto. Nous étions des gosses. Mais Bobarisha kwenda. Et ils sont déjà partis. Nishi tunakuwa sasa bantu bakubwa. C'est maintenant nous qui sommes devenus adultes. Nashi tunakuwa na batoto. Nous aussi nous avons. Kutakuwa wakati moja. Bale batoto yetu bale. Nos enfants. Na bonde watakuwa bantu sana shi. Nashi tutapita pita. Nous aussi nous passerons. Maintenant mambo munene. Ni kujiuliza. Bale bushima butashimama ka bale. Lorsque ta vie va s'arrêter. Njo pale pe komamba. C'est là qu'il y a un une question. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Njo pale peko mambo. C'est là qu'il y a une question. Utapitishia milele yako wapi? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Kama uhangaiki yake ile mambo. Si tu ne te préoccupes pas de ça. Kuko kitu kimoya kiendeke mu esprit yako. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ton esprit. Tu mutu normal, frère. Un homme normal, mon frère. Mwenye kujua kusema ni kiumbe kia wakati. Tu connais qu'il est une créature de temps. Frère, anapasha kujiuliza. Il doit se poser la question. Kama mimi nakufa mimi taenda wapi? Si je mourrai, où est-ce que j'irai? C'est la vérité. Ni kweli. Na pale wanaishi mudunia. Et lorsqu'il vit encore. Kama shiapata akikisho. Si n'a pas encore reçu la certitude. Ya kule ataenda. De là où il va partir. Kisha ye kufwa. Après sa mort. Mutu wa akili. Asiweze kuya tranquille. Il ne peut pas rester tranquille. Sommes-nous ensemble? Mutu tu normal. Un homme normal. Mwenye kujua sema quelques jours. Il sait que quelques mois. Quelques années. Viangu itashimama. Ma vie va s'arrêter. Maintenant kuko mafuashi kule batu banenda. Il y a des endroits où partent les gens. Kuko batu banenda kupumushika njo fuashi ya bien. Ceux qui partent. Na kuko bale beko naenda ku séjour de mort ni fuashi mubaya. Makao ya bafu ya mbaya. Maintenant mimi kingariki pa dunia. Fuashi ya mikubeba décision. Ya kule mitapitishia milele yangu. Passerai mon temps. Cependant que tu wakati unapaswa kujipreparer. C'est alors que tu dois ya fuashi kule utapitishia milele. Où tu vas passer ton éternité. C'est la vérité. Ni kweli. Nakuya na hakikisho. Et avoir la certitude, l'assurance. Uko naishi. Tu vis. Uko à l'aise. Musalama. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Roho yako iko tranquille. Ton cœur est tranquille. Parce que mkatikati ya juma tulisema. Au milieu de la semaine, maisha ya mtu ni ya bongo. La vie de tout homme c'est un mensonge. Est-ce que tu vois moi? Sommes-nous ensemble? Ni vitu tu ya bongo. C'est vraiment un mensonge. Unaweza kuona mtu hivi. Vous allez voir quelqu'un. Ni wa bongo. C'est un mensonge. Parce que atatoka pa dunia bila kukulaka. Il va quitter le monde sans vous dire un mot. Nous sommes-nous ensemble? Mambo ina kujuliza senta kufuaka na accident au Dieu. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de savoir comment. Mambo ni kujuliza kule pale utaenda. Ce qui est important. Jo utaenda kashiku moya. Passer ton éternité. Kuko shiku ile mushiku avuta ingiaka wewe utaenda. Il y a un jour que tu ne verras pas le soir, tu vas mourir. Est-ce que tunawazaka ko vile? Est-ce que nous méditons pas sur ça? Ii huwa tuko naona. Le soleil kenda. Kuko shiku moya utaona ka busubui mpaka na mangaribi. Que tu ne verras jamais le soleil. Du début jusqu'au soir. Il est chic qui quoi? Ces jours-là. Na il est daté quoi? Comment on doit na yuwa? Mais si bato de abantu atu yuwa. Nous les fils des hommes, nous ne les connaissons pas. Mais Mungu anayua. Mais Dieu seul. Il est chic qui quoi? Ces jours-là existent. Dieu commande la kuatia bushima. Tu as laissé encore. Tu te prépares. Pour que tu te prépares. Utayarishe vie yako. Que tu puisses réparer ta vie. Yakula utapitishia milele. Là où tu vas passer ton éternité. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi tu risema mui dunia. Pourquoi nous avons dit que dans ce monde, tunapasha kuishi saba geni na basafiri. Nous devons vivre comme des étrangers et des voyageurs. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Dieu vient de tunapasha kuishi pa dunia. C'est de cette manière que nous devons vivre. Dieu tunajua kusema kule tuko naenda. Parce que nous savons que là où nous partons. Nifuashi mo mzuri. C'est un bon endroit. Nifuashi yara. Un endroit de paix. Na Mungu yuko natuambia. Et c'est Dieu qui nous l'a dit. C'est la vérité. Ni kweli. Mui dunia muko bantu. Dans ce monde il y a des gens. Bale barivumbula hiki kintu. Qui ont découvert la chose ici. Mumaisha yabo bakogopaka tena lufu. Dans leur vie non plus eu peur de la mort. Mungu abate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Bakogopaka lufu. Ils n'ont plus eu peur de la mort. Angaria frère. Regarde mon frère. Angaria dada. Regardez ma soeur. Lufu. La mort. Ni kitu kile bana imposé mutu yote. C'est quelque chose qu'on a imposé à tout homme. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mutu yote kumbele yake kuko lufu. Tout homme devant lui il y a la mort. Utasema c'est ah mhubiri. Tu diras oh prédicateur. Njo tu mahubiri ya kutubiri paka mambo ya lufu. C'est tout ce que vous avez à nous prêcher concernant la mort seulement. Angaria frère. Regarde mon frère. Kama tuko bantu tuko naishi mu dunia. Si nous sommes des humains que nous vivons dans ce monde. Hata kama tunahubiri bitu byote. Quoi qu'on prêche n'importe sur quoi. Et si nous manquons de parler de la mort, là nous commettons l'erreur. Parce que dans la vie d'un humain, mon frère, lufu, la mort, c'est quelque chose qui est très grand dans la vie des humains. Est-ce que mon avis? Le savez-vous ainsi? Que Dieu vous bénisse. Na kila mutu na bantu wa mingi pa dunia. Beaucoup de gens sur la terre. Ils ont beaucoup la peur d'arriver le jour de la mort. Parce que la mort dans la vie d'un homme, ni échec, ni kushikosewa, ni kushindwa, ni kushindwa. C'est l'échec. Mungu ashikumbaka mutu juu akufwe. Dieu n'avait pas créé l'homme. Mais mutu beko benye kumuimposer lufu. Mais on a imposé à l'homme la mort. Na kile kiko na imposer mutu lufu ni zambi. Et ce qui impose la mort. Mais ça vile lufu. La mort. Tuko obligé paka tukufwe. Nous sommes obligés un jour. Hakuna namna ya shikuepuka. Il n'y a pas moyen d'échapper à la mort. Mungu apate kubariki. Maintenant, mambo munene. Aina kushikia boka juu ya ile shiku. Mambo munene ni kujipreparer. Juu kakutane na ile shiku. De te préparer afin d'affronter la mort. Parce que tu peux pas mourir. Jo mambo yenye kuwa munene bwana kuogopa. Il faut pas avoir peur de la mort. Parce que kama unaogopa utakuwa distrait. Si tu as la tu as peur de la mort, tu seras distrait. Mungu abade mari. Dieu vous bénisse. Mambo munene. Ce qui est important. Ni kuyua namna ya kwenda kuja affronter la lufu. C'est de savoir comment affronter la mort. Parce que siku moya lolo utafika pak. Un jour certes, tu mourras. Parce que tu quoi imposer chibote. Parce que nous sommes tous imposés à mourir. Siku utafika. Un jour que la mort va venir. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Angalia mtu sa Paul vile alipo nasema. Voyez-vous quelqu'un comme Paul comment il parlait? Ju bantu bale bali comprendre mambo ya lufu frère. Parce que les gens qui ont compris la mort, abakogopa. Ils n'ont pas eu peur. Mwanajua histoire ya Job? Vous connaissez l'histoire de Job? Job alikuwa anasema hata kama mwili inaharibika. Job disait même si mon corps se détruit. Hata kama mwili inaoza. Même si mon corps est inakuwa bivinyo. Devient. Mais mimi namuyua mkombozi wangu. Moi je connais mon rédempteur. Mungu apate kubariki. Dieu vous bénisse. Tubebe Philippiens. Tuchukue wa Filipo. Philippiens chapitre yake premier. Wa Filipo sura ya kwanza. Mushikie mtu sa Paul vile alikuwa anasema. Écoutez ce que disait Paul. Troisième verset que 20. Nous allons commencer par le 20e verset. Et qu'on a ce mail. Il dit ceci. Selon ma ferme attente et mon espérance. Kufatana na kuchunga kwangu na tumaini yangu. Que je n'aurai honte de rien. Ya kwamba sitasikia haya ya kitu hata kimoya. Mais que maintenant, comme toujours. Ata hapa sasa, ata na milele. Christ sera glorifié dans mon corps. Christ atatukuziwa mwili wangu. Avec une pleine assurance. Na hakikisho ya utele. Soit par ma vie. Wala kupitia bujima bwangu. Soit par ma mort. Wala kupitia lufu yangu. Car Christ est ma vie. Kwani Kristo yeye ndio bujima bwangu. Et la mort m'est un gain. Na lufu kwangu mie ni faida. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. Sege uyu mtu wa Mungu. Cet homme de Dieu, Paul. Mumashiku yake hapa dunia. Dans son séjour sur la terre. Alijua sababu ile alikalia hapa dunia. Il savait pourquoi il était sur la terre. Wakati alipata hakikisho. Lorsqu'il a eu l'assurance. ya kama buzima bunashimama, même si la mort arrivait qu'il est kule ataweza kuishi mumilele yake, là où il va passer son éternité. Alisema mumaisha yangu yote, il disait que dans toute ma vie Yesu Kristo atakuwa paka natukuzwa, Jésus Christ sera toujours glorifié, nikuye mujima, que je sois vivant, ata kama mina kufua, même si je mourrai. Mungu apote kumbariki. Dieu vous bénisse. Dieu nini? Pourquoi? Yesu Kristo. Jésus Christ. Njo bujima yangu. C'est lui qui est ma vie. Mungu apote kumbariki. Dieu vous bénisse. Na lufu kwangu mie. Et l'amour pour moi Paul. Ni faida. C'est un gain. Est-ce que tu vas pas moi? Sommes-nous ensemble? Sake. Yemu maisha yake. C'est-à-dire dans la vie de Paul. Sa vie alikuwa ashakumuwina Kristo. Comme il avait déjà gagné Christ. Aliona kusema hakuna kitu kingine. Il a vu qu'il n'y avait plus. Kile mitaweza kugogopa pa hii dunia. Il pouvait encore craindre sur la terre. Hata kama nikikuya mujima. Quoi que je sois vivant. Hata kama mina kufua. Quoi que je sois mort. Muvi yangu sitaogopa kintu. Dans ma vie, je ne parce que Yesu Kristo ndio bwangu mujima. Parce que Jésus Christ. Kama mina kufa ni kusema ndio faida mina pata. Si je mourais, c'est-à-dire c'est ça les gains que j'ai reçus. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. Ni paka Paul mwenyewe alisema muneno mu. C'est Paul qui a dit dans la parole. Asema wakati niko naishi niko mushima. Lorsque je vis, niko mbali na Yesu Kristo. Je suis loin de Jésus Christ. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. Niko napenda. J'aimerais. Nikufwe. Que je meure. Muhimu ili tu nikuwe karibu naye. Dans ce corps, afin que je sois plus près de Jésus Christ. Kama mnasikia masauti ya huyu mtu wa Mungu. Si vous écoutez, vous entendez les paroles de cet homme de Dieu. Ni mtu bien qui alikuwa naishi pa hii dunia. Un homme bien qu'il vivait sur la terre. Alikuwa alisha kuyua kula tapitishia milele yake. Il savait déjà où est-ce qu'il devait passer son éternité. Na ndani ya maisha yake mukakuya hakikisho. Et dans sa vie, il y a une assurance. Ya nguvu. Une ferme assurance. Mungu apate kumbariki. C'est la vérité. Ni kweli. Maisha ile tuko nayo frère. La vie que nous avons mon frère. Ile tuko nayo dada. Que nous avons ma sœur. Wakati Mungu anatupatia. Lorsque Dieu nous donne. Mashiku Mungu anatupatia. Les jours que Dieu nous a lotis. Ajitupatie tu Dieu akusema tutafute mali. Il nous l'a pas donné ces jours-là pour que nous puissions chercher la richesse. Ah ah. Non. Ajiku tupatia tu mashiku Dieu akusema. Tufanye mpaka bile bantu banafuanyaka mudunia. Nous a pas loti le nombre de jours pour que nous puissions faire comme tout homme. Niishe masomo. Et je termine les études. Niowe bibi. Et je puisse avoir une femme. Niolewe. Et je sois épousé. Nizale batoto. Et j'ai des enfants. Ni bitu bile banadamu banafuanyaka. Ce sont des choses que les humains font ou cherchent. Lakini haina tu ndio sababu ile Mungu alituwekea hapa hii dunia. Mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle Dieu nous a laissé sur la terre. Mungu apate kumbariki. Et Dieu vous bénisse. Parce que wakati mashiku yako itashimama. Parce que lorsque tes jours s'arrêtent. Kama ilikuwa masomo. Si c'était les études. Manyumba. Les maisons. Au ma réalisation ile batu meko nafanya. Certaines réalisations. Kuoa au kuolewa. Être épousé ou na kuzala batoto. Et avoir des enfants. Ndio ilikuwa kitu kia kabaila kumacho ya Mungu. Si c'était ça qui était. Wakati mashiku ya mutu inashimama. Lorsque les jours de l'homme s'arrête. Mungu alipasha kukulomba. Dieu devait te demander. Na kukuuliza combien de licences ulipataka pa dunia. Et te demander combien de diplômes de licence que tu as eu sur la terre. Ni batoto ngapi uli. C'est combien d'enfants que tu as eu sur la terre? Ni manyumba ngapi uliengaka? C'est combien de maisons que tu as érigées sur la terre? Parce que ndio bitu bile bantu wanakombaniaka sana pa dunia. Parce que ce sont des choses pour lesquelles les gens se battent sur la terre. Mais kenye kuya contraire na mawazo ya bantu ni hiki. Kinyume à la pensée des wakati bunjima bwa mutu bunashimama. Lorsque la vie de l'homme s'arrête. Kule ngambo. De l'autre. Mungu anaangalia ni neno yake ile ulibebaka pa dunia. Dieu il regarde seulement sa parole que tu as reçue sur la terre. Parce que tuko pamoja. Sommes-nous ensemble? Ndio kitu kenye kuya kia kushangaisha. Voilà la chose qui est étonnante. Parce que combat munene batu beko nafanya. Le grand combat que les gens livrent. Kupata ma diplôme. Avoir des diplômes. Ni kitu kizuri sawa banadamu. C'est une bonne chose en tant que. Kuyenga manyumba. Construire des maisons. Kuuza magari. Payer des véhicules. Kuoa kuolewa na kuzala batoto. Être épousé avoir des enfants. Ndio bitu batu banafanyaka. Voilà les choses que les gens font. Mais habita tusaidia kama bushima munashibama. Ça ne peut pas nous aider si notre vie s'arrêtait. Habita tusaidia kintu. Ça ne peut pas nous aider à quoi. Kwa Mungu ajita tulizaka. Dieu ne peut pas nous l'aider. Kwa kuyua kusema ina yenye mariage. Sachant que même ni paka papa dunia. C'est sur la terre. Kule ngambo akutakuya bibi na bwana. De l'autre côté il n'y aura pas de mariage. Akutakuyaka kuzala batoto. Il n'y aura pas avoir des enfants. Akutakuyaka kuyenga manyumba. Il n'y aura pas construire des maisons. Akutakuyaka kutembea mumafuati. Il n'y aura pas rouler dans. Bila ni bitu vya pa hii dunia. Ce sont des choses de ça. Kule ngambo Mungu atakulomba neno yake. De l'autre côté Dieu va vous demander seulement sa parole. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Dieu il est mungu atakulomba kule. C'est ce que Dieu va vous demander. Oui frère. Dieu nduku. Na kila nduku na kila dada. Et chaque frère, chaque sœur. Mumashiku mungu anakukaburia. Dans les jours que Dieu t'a loti. Miaka ile mungu anakupa. Des années que Dieu t'a loti. Miezi ile mungu anakupa. Des mois que Dieu t'a loti. Majuma ile mungu anakupatia. Les années que Dieu t'a loti. Na madakika ile mungu anakupa. Et même les secondes. Unapasha kuyua kusema. Tu dois savoir. Mungu atendaka kukusambisha. Dieu ira te juger. Il va te demander de la manière dont tu as géré tout ce temps-là. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Kama we unabeba mashiku yako yote. Mais si tu prends tous tes jours que Dieu t'a unaitoa juu ya vitu vya ovyo. Tu les consacres pour des choses vides. Utaendaka kusamba. Tu seras jugé. Ile kila ndugu na kila dada anapasha kuyu. Chaque frère et chaque sœur doit le savoir. Oui frère. Dieu ndugu. Mungu atendela kukusambisha mufilo rigere mashiku yako. Dieu te jugera de la manière dont tu as géré tes Et zaidi zaidi kama ukupata kitu kya kabaila. Et surtout si tu n'avais pas reçu la chose essentielle. Mui dunia. Dans ce monde. Parce que bile batu biko nangaikia sana. Les choses pour lesquelles les gens se battent. Biko na shibamia palufu. Ça s'arrête le jour de la mort. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Biote biko na shibamia paka palufu. Tout s'arrête seulement les jours de ta mort. Mais qui les bantu biko na négligé? C'est que les gens négligent aujourd'hui. Neno ya Mungu. La parole de Dieu. Yonjo ya milele. C'est elle qui est éternelle. Unaona vile mtu biko naishi pa dunia mujinga. Voyez-vous comment l'homme vit sur la terre comme un insensé? Sake mtu biko na kombana mu mashiku yake. L'homme se bat dans son séjour. Na kama unamwangalia mtu biko na toka jasho. Vous allez le voir en train d'essuyer. Et qu'on a panda, il monte. Et qu'on a chouk, il descend. Et qu'on a foigné ma voyage, il effectue des et voyages. Et qu'on a foigné ma projet, il fait des projets. Mais anachine na kuikala, il a manqué de s'arrêter. Na kujuliza, et s'est posé la question. Kama mimi nakufa nitaenda wapi? Si je mourais aujourd'hui, où irais-je? Angalia frère. Regardez mon frère. Frère Branham ko nasema mu message moi identifier les investissements. Mon ma ujumbe moi yenye kuitwa kuweka wa akiba. Et qu'on a sema hivi. Il dit ceci. Mouma projet il est mute qu'on a foigné. Dans les projets que l'homme fait. Na mouma affaire mute qu'on a foigné. Dans toutes les activités que l'homme peut faire. Akuna affaire atamo ya munene. Ya kupita affaire ya nafsi yako. Ne passe l'activité de ton âme. Haina. Il n'y en a pas. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Joko nona mute ko paka monte. Vous allez voir l'homme. Eko paka napanda anashuka. Saka kukanisa. À l'église. Mutu kuna kuwe kwa kubatishi. Il vient par hasard à l'église. Utawajia kusema eko deja mwenye kuokolewa. Vous croirez qu'il est déjà sauvé. Mais mashiku yake iko yenye kuhesabiwa. Pendant que le nombre de jours sont comptés pour lui. Kwa nini mutu eko bumbafu? Pourquoi l'homme est insensé ainsi? Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mashiku mwe anashituka anajipuntula tu anakufa. Un jour il sera surpris, tombe et il meurt. Anakufa bila Mungu. Il meurt sans Dieu. Mungu alimpatia 40 ans. Dieu lui a accordé 40 ans. Ya kuishi. De vivre. Bengine bana babatia 50 ans. Les autres ont les allotis 50 ans de Bengine vivre. 60 ans. Les autres 60 ans seulement de vivre. Frère, Duk- Mungu anakupa 60 ans. Dieu t'a loti 60 ans. Juu angaikie nafsi yako. Au lieu de te préoccuper pour toi. Mais 60 ans yote Mungu anakupatia. 60 ans que Dieu t'a loti. Uko paka mkutafuta vitu vya ovyo. Tu ne fais que de chercher des choses. Uko pumbafu. Tu es un insensé. C'est la vérité. Ni kweli. Les jours que l'homme va mourir, vous les regardez comme ça. Et qu'on a 60 ans et qu'on a miaka makumi sita sur la terre. Frère, demandez un peu des gens qui meurent sans Dieu. Posez-leur la question. Parce que tu connais ma témoignage. Parce que nous avons leur témoignage dans la Bible. Lorsque quelqu'un quitte la terre sans Dieu, s'il y avait namna. Mais il est possibilité yo aina ako. Malheureusement, il n'y a pas encore cette chance. Ya kurudisha mtu pa dunia afanye tena ta 5 minutes. De retourner l'homme sur la terre pour qu'il fasse même 5 minutes seulement. Bale bantu bote banakufuata bila Mungu. Tous ces gens-là qui meurent sans Dieu. Bane kalaka mu regretter mashiku yabo ile baripitisha ka pa dunia. Ils regrettent de leur temps qu'ils ont perdu sur la terre. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? Bana uzunika kasana. Il regrette tellement infiniment. C'est qu'on a regretté. Il regrette na uzunika. Qui la voyage alifanyaka pa dunia? Tout voyage qu'il a effectué sur la terre. Bila yekuya na Mungu. Sans Dieu. Nous sommes-nous ensemble? Voyage, tu es le mouton à la pendule à ta moto. Les voyages que tu effectues même sur la moto. Et qu'on a pendule à pagari, un délicat sur le Mumbashi. Dans une voiture en Colouezi Fungurume. Colouezi Fungurume. Il est ma voyage, yo, tu qu'on a foigné, foigné. Tous ces voyages que tu effectues. Ni wakati, là qu'on a perdre. Le temps que tu perds. Maintenant, comment on a couvert Bila Mungu? Et si tu mourais sans. Léo, pas le qu'on a bougima. Aujourd'hui, pendant que tu. Pourquoi on a ces mots qu'on souple? Tu crois que tu es mal. Mais si vous bougima, vous t'as chiba maka. Où t'as calculé le voyage, yote? Où t'as peine là où il roudit, j'étais là? Il couille à ta Dieu, où tu consacrais? Soi-même le temps pour te consacrer à Dieu. Mais habite à Wesekana, Katena. Ça sera impossible. Est-ce que tu comprends, Moya? Sommes-nous ensemble? Où t'as osé niquer Kassa? Tu regretteras. Là où t'as envie de poser ma question? Tu vas te poser des questions. Pourquoi n'y viens-tu voyager? Pourquoi est-ce que j'ai voyagé comme ça? Tu as nini de voyager? Pourquoi j'ai voyagé? Tu as nini ni ritika kuoa? Pourquoi j'ai accepté de me marier? Tu as nini ni ritika kuolewa? Pourquoi j'ai accepté d'être épousé? Parce que vite ou bien demi les bateaux qu'on a foigné, frère. Parce que toutes ces choses là que les gens font. Bien mingi habite à Basaidi à Kintu. Nombre de ces choses là, ça ne peut pas. On a oua bila mungu. Tu as épousé. On a olewa bila mungu. Tu as épousé ça. On a zala bateau ton a léo qu'on a bancana. Tu as des enfants même aujourd'hui. Mais on a na mungu. Mais tu n'as pas Dieu avec toi. Où t'as regretté que bila on foigné à Badunia. Tu regretteras. Mais qu'est-ce que tu as fait sur la terre? C'est après avoir quitté ce monde. Dieu t'a regretté qu'à ça. Alors que tu vas beaucoup. Mais où t'as regretté n'a retard moi mon nene. Tu vas regretter là qui ni nyuma sana. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu bado mbariki. Chelewa. Que Dieu bénisse. Mtu mwenye kuya normal. Eh non mtu mwenye kwa sawa. Mwenye kujua kusema kwa kiume kwa wakati. Il connaît qui est une créature de temps. Ashiweze kwanza kufanya ma voyage kama ana na Mungu. Il ne peut pas effectuer beaucoup de voyages sans Dieu. Est-ce que toi pas moya? Sommes-nous ensemble? Upuna voyage unaenda na kulubumbashi unarudi. Voyage tu vas même à Lubumbashi et puis tu rentres. Mais unaweza kufa hata mbalabala. Tu peux mourir en cours de route. Aska tu pamoja. Sommes-nous ensemble? Unaenda kulikasi. Tu vas likasi. Unaenda kufungurume. Tu vas fungurume. Unaenda wapi? Mla muro yako. Uko konzia kusema hauna na Mungu. Tu sais très bien que tu n'as pas. Mais hata vile uko napanda na kugari. Malgré cela tu montes même dans une voiture. Mais uko mujinga. Tu es un insensé. Où t'as regretté quel est ma voyage? Tu regretteras de tous ces voyages-là. C'est la vérité. Ni kweli. Où t'as regretté quand ma moto il aurait pendu? Tu vas regretter même des motos sur lesquelles tu étais monté. On a pendu la moto, on a pendu qui a pendu. Tu montes même à un peu à côté là. On a tembé à. Tu montes. La kujifiela. Tu roules tout en. Kujifiela bila Mungu. Avec orgueil sans Dieu. Chuko bumbaf. Tu es un insensé. Tu es stupide. On a kujifiela bila Mungu. Tu t'enorgueillis sans Dieu. Il y a un jour qui vient. Il est chigou au kumbele à kila mutu. Ce jour-là est devant tout le monde. Il a regretté que Bilo rifanya kapa etuli. Tu vas regretter de ce que tu avais fait sur la terre. C'est la vérité. Nikueli. Où t'as gâté 5 minutes? Tu chercheras même d'akikata no tout. Mon Bible est où? Dans la Bible ici. Comme on avait Moulik chapitre 16. Si vous prenez Luca 16. Bible on a tombé à histoire où les jeunes hommes riches. La Bible nous parle de l'histoire de Kiana Mtajiri. Chiku arikufwa. Le jour qu'il était mort. Bible on a dit moule mu séjour de mort moule. La Bible nous dit mumaka ya bafu. Ari regrette ma siku yake hapa dunia. Il avait regretté les hakukuwe consolation. Hakukuwe faraja. Est-ce que tu vas moya? Musome le chapitre yote. Lisez tous ces chapitres. Mutashikia vile alianza kusema msejour de mort. Vous verrez comment il parlait mu makao ya baba. Alianza kulia. Il a pleuré. Alikuwa bumbafu. Il était insensé. Dieu lui avait noté aussi le nombre de jours. Atujue kama ni ngapi. Nous ne savons pas si c'était combien de jours. Mais lui il a considéré que c'est le temps de s'enrichir. C'est le temps d'avoir des bénéfices. C'est pas mauvais d'avoir des bénéfices. As-tu la certitude de là où tu vas passer ton éternité? As-tu la certitude? Ces jeunes gens ici. Il avait pleuré mon makao yabafu. Il avait crié. Il était vraiment triste. Il avait beaucoup regretté. Il voulait qu'on lui accorde même 5 minutes de vie. Mais il y a trop tard. C'était impossible. Arkwaneshachelewa. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Harikuya ishakuchelewa. C'était déjà trop tard pour nous. Mashiku yake pa dunia ilikuwa ilishakumalizika. Ce jour sur la terre était déjà terminé. Mutu anekalaka mukupreparer avenir yake ni pa dunia hapa. L'homme prépare son avenir cependant qu'il est encore vivant sur la terre. Pale uko naishi frère. Lorsque tu vis en uko naishi dada. Ndio wakati mzuri ya wewe kujipreparer. C'est ça le temps convenable. Parce que kumbele yako kuko ile siku. Parce que devant toi là il y a ces jours là. Ile yenye batakuwa obligé utoke pa dunia. On va te kukulazimisha de quitter ce monde. Ile siku iko kwako. Ces jours là existent. Hapana kufanya erreur ifanyaka wiki yana. Ne fais pas l'erreur qu'avaient commis ces jeunes gens. Tu es nogarie kule ngambo. Que tu ailles pleurer de l'autre côté. Uta regretter manguo yote ulivoala. Tu regretteras de tous ces habits que tu avais portés. Mungu awe mbariki. Que Dieu vous bénisse. Oh mhubiri kuvala mangoni zambi. Le prédicateur met ah kuvala mangu ina zambi. Non mettre les habits c'est pas un péché. Shuta wame kusema mbele Dieu akupata mimi kile kikwembe. Pour avoir ce pagne là. Nilitumikaka. J'avais travaillé. Nikapata makuta. Au bwana yangu alitumikaka. Akapata makuta. Dieu akajujia. Alors il a payé pour mbele ma sacrifice yote. Kujitoa kote kule tous ces. Tu as nini atukukwe na akili? Pourquoi est-ce qu'on n'était pas intelligent? Tu tuitoe kwa nafsi yetu. Puis c'est le consacrer pour notre âme. Mais katikati yetu frère. Mais au milieu de nous mon frère. Hakuna mtu mwenye kuya mureta. Il n'y a personne qui est en retard ou là na chelewa. Chez bote tukingariki en vie. Nous tous tungariki bajima. Ile siku ya huzuni. Ce jour là de regret. Na regret munene ya jibo consolation. Yo bala kufika. Ndio kwa maana Mungu aridhike hivi ujito. C'est pourquoi Dieu nous a tukwe tuambie kila ndugu na kila dada. Dire à chaque frère. Maisha yetu pa hii dunia. Notre vie sur terre. Aina ya lote. N'est pas éternel. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Hakuna mtu alishakufika ile siku ya regret. Il n'y a personne qui est encore arrivé ce jour-là de regret. Mais ile siku iko kwako. Néanmoins ce jour existe. Kama unacheza na mashiku yako. Si tu joues avec le nombre de jours qu'on t'a loti. Mungu abote yumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ile siku iko kwako. Ce jour-là est là. Frère Branham anasema hivi. Dugu Branham dit ceci. Mon message. Mi ujumbe. La foi c'est notre victoire. Imani ni ushindi yetu. Anasema hivi mu paragraphe yake 27. Il dit ceci dans son paragraphe 27. Anasema hivi. Il dit ceci. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Mwache nimeambie ko kitu kimoya hii mangaribi ya leo. Vous qui êtes à l'intérieur. Moi wale mukumbari. Vous qui êtes à l'intérieur. Moi wale mukundani. Et vous qui êtes à l'extérieur de ce bâtiment. Moi wenye kwa ndani na nje ya hii nyumba. Moi wenye kuya hapa katikati yetu. Vous qui êtes ici au milieu de nous. Na moi bale Mungu natufuata ku internet. Même vous qui nous suivez en ligne. Muniruhusu nimeambie hii mangaribi. Permettez-moi que je vous dise ce soir. Un de ces jours. Siku moja. Vous allez finir à une destination. Utaishia kumwisho mwa fulani. Et ce sera dans les vallées de l'ombre de la mort. Itakuwa bonde ya mauti. Je vous conseille à cette heure-ci. Na mishauria mwi wakati hii. Ni message ya conseil. C'est le message ya shauri. Mungu abote umbariki. Que Dieu vous bénisse. Siku moja kuko kule uteshi yako. Un jour ya là où tu vas finir ta course. Wewe mwenye kuya mu bâtiment. Toi qui es ici dans ce bâtiment. Na mwe bale mko nanifuata ku internet. Même vous là qui me suivez en ligne. Siku moja kuko kule mtaishi yako. Un jour là vous allez finir votre course. Itakuwa ni kukimvuri kalufu. Ça sera dans l'ombre de la mort. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Je vous conseille à cette heure-ci. Na mishauria mu wakati hii. De vous préparer à rencontrer le Dieu. Muji kutarishe juu mupate kukutanishana na Mungu. Qui devrait vous rencontrer à cette heure-là. Ula tamikutanisha mwile wakati ile. Mungu abote umbariki. Que Dieu vous bénisse. Niko na mishauria mwe benye kunifuata ku internet. Je vous conseille vous qui me suivez en ligne. Na banduku na badada benye kuya pa ifuashi. Et les frères et les sœurs qui sont ici. Muji tayarishe leo. Préparez-vous aujourd'hui. Dieu a kukutana na Mungu. Pour aller vous rencontrer avec Dieu. Mungu, Mungu ele akamikutanisha na mwe ele siku mashiku itashimama. Pour que Dieu aussi puisse vous rencontrer ce jour que vos jours vont s'arrêter. Mungu abote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ni conseil frère. Nishauri nduku. Ni conseil dada. C'est un conseil ma sœur. Niko na mikonseye mwi wakati. Je vous conseille en ce moment. C'est la vérité. Ni kweli. Eko nendelea frère Branham anasema. Frère Branham continue en disant. Vous les rencontrerez soit comme un chef d'œuvre. Mutamukutanisha sawa mkubwa wa kazi. Sur lequel il a travaillé. par ile kazi alitumika, soit comme un morceau de bois flottant, wala sawa muti ya kutembea yule ya maji, en route vers votre destination finale, munjia mukwenda kumwisho yenu ya milele. Ainsi, hivi basi, n'utilisez pas cette vie, usitumikishe hii bujima, juste pour vous laisser aller ça et là. Juu ya kuriachiria tu kwenda huku na kule. Ça et là et flotter. Kwenda huku na kule na kuyumba yumba pamaji. Avoir une meilleure travail. Kuwa na kazi ya mzuri. Être mieux habillé. Kuvala mzuri. Et avoir une nouvelle télévision. Na kuwa na television mupia. Une meilleure voiture. Kuwa na gari mzuri. La vie vaut plus que cela. Bujima bunashindia bile biote bile. N'essayez pas de l'utiliser. Ushipime kutumikisha bujima. Uko na kutumikisha bujima. Tu utilise ta vie. Paka juu upate kitu kia sasa. Juste pour avoir une nouvelle chose. Motoka ya sasa. Une nouvelle voiture. Mavazi ya sasa. De nouveaux habits. Télévision ya sasa. Une nouvelle télévision. Mutu wa Mungu ako na tukonseye. L'homme de Dieu nous conseille. Ya kusema bujima bunapita bile bitu biote. Et la vie dépasse toutes ces choses là. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce que unapasha kuyua na kuya conscient kusema. Tu dois savoir être conscient que kuko kule utaenda kumarizia maisha yako. Il y a un jour là où tu vas finir ta course. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Apana kuya neglige, apana kufanya bitu ovyo ovyo. Ne sois pas négligent, il faut pas faire des choses. Juhushende ku regretter ile shiku. Pour que tu n'ailles pas regretter ces jours-là. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Leo hii bantu mingi frère. Aujourd'hui beaucoup de gens. Bantu mingi dada. Beaucoup de gens ma sœur. Muima shiku Mungu anabapatia. Dans ces jours que Dieu les a lotis. Yabo kuishi pa hii dunia. De vivre sur la terre. Mangaiko yabo yote. Leur grande préoccupation. Ni kutafuta kuya sa fulani. C'est de chercher d'être comme tel. Sa vile fulani anauza gari. Comme tel a payé sa voiture. Nami tauza. Moi aussi je vais payer. Sa vile anauza plasma. Comme il a payé le plasma. Ya 80 pouces. De 80 pouces. Nami tauza. Moi aussi je vais payer. Sa vile anauza nyumba munene. Comme il a payé une nouvelle maison. Nami paka nitumike sana. Moi aussi je vais travailler durement. Nami niuze. Pour que j'achète aussi. D'ailleurs mina tumikaka ku société. D'ailleurs je travaille dans une entreprise. Na mumakaji ile mina tumikaka. Dans mes activités que j'ai fait. Na pataka ko franga kumupita na yeye. J'ai beaucoup d'argent de plus. Nami tauza paka saki yake na kia kupita kia. Je vais payer ce qui dépasse ce que lui a acheté. Kuuza vitu vya hii dunia haina kitu kibaya. Payer les choses de ce monde c'est pas mal. Mais wakati wewe unaanza kuhangaika tu juu ya ile. Est-ce que toi tu te préoccupes seulement? Est-ce que mule muroi yako? Est-ce que dans le fin fond de uko na hakikisho ya kusema kwa mwenye kuzalika mara ya pili? As-tu la certitude que tu es déjà né de nouveau? Uko na hakikisho ya kusema kwa Roho Mtakatifu? As-tu la certitude que tu as le Saint-Esprit? Uko na ile hakikisho? As-tu cette certitude? Mais na kama unakufa? Et si tu mourais? Mukutafuta kuya sa fulani. En cherchant d'être comme tel. Mukutafuta kuya sa frère fulani. En cherchant d'être comme tel frère. Mwile ari. Dans cet état là. Parce que bitu bila tunapataka frère. Parce que les choses que nous obtenons. Hatubipatai kwa nguvu yetu. Nous ne les recevons pas par notre force. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Unaweza kutumika sana. Tu peux travailler durement. Mais na vile utakufa utauzaka gari. Jusqu'à ta mort peut-être tu n'achèteras même pas une voiture. Unaweza kutuma makuta inaenda hata ku Dubai. Tu peux envoyer l'argent à Dubaï. Mais kama Mungu ashikukuonaka kutembea pa gari. Si Dieu ne t'avait pas vu rouler en voiture. Utakufa bila kuona makuta ile ulituma ku Dubai. Tu mourras sans voir l'argent que tu as envoyé à Dubaï. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Ile yote inafanishishaka bantu. Tout ce qui fait que les gens. Bakuye na mangaiko sana juu ya vitu vya mwili. Tu sais avoir des préoccupations pour des choses matérielles. Ni tama. C'est la convoitise. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, mtu wa Mungu hapa anatuandikia anasema hivi. Cet homme de Dieu nous écrit en disant ceci. Paka humo 1 Pierre chapitre yake 2. Paka mu Petro wa kwanza sura ya pili. 1 Pierre chapitre 2. Petro wa kwanza sura ya pili. Huyo mtu wa Mungu yuko anatuandikia hivi. Cet homme de Dieu nous écrit ceci. Verset yake 11. Mstari wa 11. Anasema hivi. Il nous dit ceci. Bien-aimé, bapendwa, Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Mina subutish ni mina misubutisha sawa bakeni na wasafiri pa dunia. À vous abstenir des convoitises charnelles. Ya kwamba mujizuize na matama ya mwili. Qui font la guerre à l'âme. Yenye kukombanisha nafsi. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Uyu mutu wa Mungu. Cet homme de Dieu. Anamita kwanza sema bapendwa. D'abord il vous a appelé bien-aimé. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Sege hii message haina adresse kwa pagani. Ce message ici n'est pas adressé aux païens. Il est adressé seulement aux chrétiens. Bapendwa, mes bien-aimés. Niko na mionya. Je vous exhorte. Savile tuko bageni na basafiri pa hii dunia. Comme nous sommes des étrangers et voyageurs sur la Mou terre. Mupate kujiziwiza. Abstenez-vous. Ya kupenda kile mtu anapata paka na wewe ukipate. De ne pas voir la convoitise. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il est tamat, frère. Parce que cette convoitise là. Il est kalaka mukukombanisha nafsi. Ça combat l'âme. Kama mtu yuko anahangaika kuwe safu lani. Lorsque l'homme se préoccupe pour être anze kuishi safu lani. Il vive comme tel. Nafsi yake. Son âme. Haitaweza tena kukomea mzuri. Ne va plus croître correctement. Maintenant, benye kujua kusema mui dunia. Sachant que dans ce monde. Mungu achikututuma juu tukombanie vitu vya mwili. Dieu nous a pas envoyé pour que nous puissions nous cafouiller des choses. Mungu alitutuma. Dieu nous a envoyé. Ni juu tupate kujitayarisha. Que nous puissions nous. Ya kwenda kukutana naye. Afin d'aller à sa rencontre. Bile vitu benye Mungu anatupatia. Toutes les choses que Dieu nous donne. Chez sawa ba Kristo. Nous en tant que chrétiens. Paka bile biko natufurahisha. Ça nous suffit et ça nous plaît. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mujiziwize. Abstenez-vous. Kubile bitu bile. À ces choses-là. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Mutoto wa Mungu abia kweli. Un véritable enfant de Dieu. Ashikombanake sana juu ya kuya sa fulani. Il ne peut pas se battre pour devenir comme tel. Ah ah. Non. Ba mingi frère maisha, bengine bariowa juu ya convoitise. Nombreux se sont mariés par convoitise. Bengine bariolewa juu ya convoitise. Les autres sont épousés par convoitise. Est-ce que tu comprends moi? Sa vile bana mo ule angari mtoto kwangu. Comme tel est épousé pendant qu'elle est encore moins âgée. Na mi il faut pas kabaniowe. Il faut à tout prix aussi que je sois épousé. Ila ikupasha kuya komba yetu. Ça ne devait pas être vite yetu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Kila tunapasha kukombania shie. La chose pour laquelle nous devons. Benye kujua kusema tuko bageni na basafiri. Sachant que nous sommes étrangers. Tunapasha kukombana juu ya manafsi yetu. Na kujua ni wapi tutapitishia milele. Savoir où est-ce que nous allons passer notre éternité. Njoo inapasha kuya komba yetu. Voilà ce qui devait être notre combat. C'est la vérité. Ni kweli. D'ailleurs, Biblia kunasema. D'ailleurs, la Bible dit. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce qui s'accomplit, c'est seulement le dessein de l'éternel. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi mutoto wa Mungu, frère. C'est pourquoi un enfant de Dieu, frère, natama, il n'a pas de convoitise. Attache kumoye. Jamais. Uko naishi na bwana yako. Tu vis avec ton mari. Uko naishi na bibi yako. Tu vis avec ton épouse. Bibi yako namwambia bwana. Et l'épouse dit à son mari. Aone ba fulani. Ne voyez-vous pas tel? Maisha ile bobe konayo. La vie que. Aina ndio shitu iko. Que on mène, ce n'est pas. Shifuna shetu kwe sana ba fulani. Il faut que nous soyons comme tel. Utaanguka na utaacha mambo ya Mungu. Tu vas tomber et tu vas abandonner la parole de Dieu. Est-ce que tu pamoya? Sommes-nous ensemble? Kama uko naona mtu yuko naishi maisha leo. Si vous voyez quelqu'un qui vit. Iko ako saya bien mukoonekana mu bantu. Avec une vie apparente. Aina kwa nguvu yake. Ce n'est pas par sa force. Sake maisha ya mtu frère pa hii dunia. Tout homme sur la terre. Kile eko ni makusudi ya wa milele. Il est là, c'est le dessein de l'Éternel. Na ile nafikisha bantu kule. Et ce qui pousse le. Ni kukosa kuya na Roho Mtakatifu. Parce que kama mtu ashina na Roho Mtakatifu. Ashifurahi wake na kile Mungu anamupa. Se contente pas de ce que Dieu lui donne. Njoo anakuwa paka na ngai. Alors il devient agité. Ah, ule dada rifuala kakilato kamoya. Mama. Na mipaka tauza kakilato kavili. Il faudrait que j'achète aussi des pareils. Utaanguka. Tu vas tomber. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Na utashindwa mambo ya Mungu. Et tu vas échouer dans la parole de Dieu. Sa vila aliuza kale kakilato kale. Il a payé cette marque de chaussures. Est-ce que bonjour banani? Qui sont-ils? Est-ce que tu veux kuleta bantu hapa? Est-ce que nous sommes venus accompagner des gens ici? Angaria dada. Regarde mon frère. Utaanguka. Tu vas tomber. Tuko banduku ndio pale tuko naambiana. Nous sommes des frères, c'est pourquoi nous nous disons la vérité. Kama uko na ile esprit. Si tu es animé par ça. Ujue kusema na mambo ya Mungu utaiacha. Sache que même la parole de Dieu, tu vas l'abandonner. Ile esprit aikalake mu ba Christ. Cet esprit là ne se retrouve pas dans les chrétiens. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble? Sa vile hier, il a kitu fulani. Il a payé telle chose. Vraiment. Na mi paka ntauza. À tout prix je vais aussi. Est-ce que chenjo banani? Qui sommes-nous? Est-ce que tu rileta bantu hapa? Est-ce que nous sommes venus accompagner les gens sur la terre? Mwache ile mambo. Arrêtez cette façon de faire. Sommes-nous ensemble? Chaque combat yetu, notre combat à nous. Ni kama bujima bunashibama. Lorsque la vie va s'arrêter, taenda wapi? Où irai-je? Una kombania bilato. Tu te bats pour les chaussures. Mais auna tala Saint-Esprit. Tu n'as même pas de Saint-Esprit. Uko mujinga. Tu es un insensé. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Uko na kombania des choses viles. Tu te bats bitu bia ovyo ovyo. Angaria frère. Regarde mon frère. Kama unakufa hata kama ukuvuzaka kilato kia bien. Si tu mourais même si. Mais unakufa na Yesu Kristo. Et que tu mourais. Uko mutu wa bei kupita bantu bote. Tu es très précieux de plus que tout le monde. C'est la vérité. Ni kweli. Mwi dunia frère. Dans ce monde ndugu. Hata kama unaoze kilato kia $1000. Si tu payais la chaussure. Ba kwa jema shiku kitaribika. Quand tu laisses un peu de temps, ça sera détérioré, ça va s'abîmer. Mudunia o mon frère. Dans ce monde mon frère. Hakuna kitu hata kimoja cha kukawia. Akinako. C'est pourquoi ça va toi ya Mungu. Tutafute bia kukawia. Des choses durables éternelles. Tutafute bia kukawia frère. Cherchons des choses durables. Una kombana. Tu te bats. Panda shuka jasho siku yote. Monte tu descends chaque jour, tu suis. Samwe kunyumba ulalaki. Des fois tu ne passes même pas nuit à la maison. Una kombania nini? Tu te bats pourquoi? Pourquoi est-ce que ça chaque jour, tu es toujours au service. Travailler, c'est pas mauvais. Mais il est ma veillée, yote kuna fanya. C'est veillée que tu fais là. Aina mubaya juu kunaleta chakula kunyumba. C'est pas mauvais. Kama unakufa. Mais si tu mourais, utaenda wapi? Où iras-tu? Ile ma veillée utairegretaka sana niko nakwambia. Tous ces veillées là, je te le dis. Mais kulana niko ndugu yako. Je ne te trompe pas, je suis. Utaregretaka ile ma veillée. Regretera toutes ces veillées. Ata vile ndio kuletea faida. Batoto bibi meko na kuria. Utajiona bubafu sana. Tu verras vraiment. Tu as nini ni sacrifier tout ma chiku yangu? Pourquoi je sacrifie? Bila mi kutafuta kia kabaila. Tu roules de chercher la chose essentielle. T'as regretté ça. Tu vas regretter tellement. On a combattu avec toi, bien sûr, que ça aide. Tu te bats pour des choses qui ne peuvent pas t'aider. Mon Christ ou Abiyakwe. Un véritable combat y a que le Dieu nafsi a. Son combat c'est pour son âme. C'est comme ça qu'un véritable chrétien s'est. C'est pourquoi ça, batoto ya Mungu. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à kuishi na akili. Nous devons vivre avec sagesse et intelligence. Tu n'as pas à kuwa na akili juu Mungu alitufunulia mapenzi yake. Nous devons avoir l'intelligence parce que Dieu nous a donné. Atuweze kuishi sana bantu bote. Nous ne devons pas vivre comme les restes. Chez combat yetu frère. Notre combat. Combat yetu dada. Ni kujipreparer kuya en ordre na Mungu. De se préparer kwa musawa avec Dieu. Maintenant ujiulize hii mangaribi. Pose-toi la question ce soir. Uko musawa na Mungu? Es-tu en ordre avec Dieu? Kama kuko ile siku unapasha kuregreter maisha yako. Si un jour que tu dois regretter toute ta vie. Yenye kufika paka na leo. Même jusqu'à aujourd'hui. Auna na hakikisho ya kula utapitishia milele yako. Tu n'as pas la certitude de là où tu vas passer ton éternité. Apana kuchunga ile siku. Il faut pas attendre seulement ces jours-là. Leo hii, leo. Aujourd'hui. Njoo siku kama kuko biawe kutompola. Si y a des choses à te lamenter. Ni leo utompola. C'est aujourd'hui, il faut déjà commencer. S'il y a des choses pour lesquelles il faut pleurer, ni leo. C'est aujourd'hui. Parce que leo kungariki possibilité. Parce qu'aujourd'hui kungariki bahati. Yawe kujirekosile na Mungu. Ya kupatanishwa na Mungu. Leo ile possibilité ingani. Aujourd'hui encore il est. Mais kama unatambuka kile kistari kule ngambo. Si tu traverses cette regret yako haitakuwa na mafaa. Huzuni yako ça ne sera pas important. Kama uko na akili. Si tu es intelligent. Ufikiri leo. Médite aujourd'hui. Mungu abariki juu ya shukrani. Que Dieu vous bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Tushibame juu ya kuomba. Mettons-nous debout pour la prière. Kila ndugu na kila dada afikiri. Chaque frère, chaque sœur qui puisse méditer. Chorale itatutumbia mwimbo moja. La chorale va méditation. Nous entonner un cantique de méditation. Tuta méditer. Tuta fikiri. Na kisha tutaomba Mungu. Et par après nous allons prier. Mututumie mwimbo mmoja tutaimba ta couple moi. Donnez-nous un cantique nous allons chanter même un seul couplet. Kila ndugu na kila dada fikiri. Chaque frère et chaque sœur qui puisse méditer. Na ajulize ni wapi atapitisha milele yake. Il se pose la question où est-ce qu'il va passer son éternité. Hii dunia hakuna kia kabaila. Dans ce monde il n'y a rien à espérer. Ni wewe ndio uko mureta. C'est toi qui es mwenye kuchelewa. Mututumie mwimbo. Antonez-nous un cantique. Wapitanti Shibote frère. Tombe dada. Kama kuko shiku ya kuhuzunika ni leo. Shiku ya kuria. Ya kuomboleza. Kama kuko shiku ya weku tompola ni leo. Afama kuchunga ile shiku. Leo njona pasha kwa tayari.